chemin de la dignité. Les thugs et les kaira sont les plus faciles à imiter. Les frères et sœurs pensent que leur avenir est limité, que juste le crime cake n'auront jamais ce qu'ils auraient mérité. Donc on se détruit, on enflamme nos propres ruelles, brûlons nos propres voitures, incendions nos propres poubelles. On sort les armes face à des frères issus de quartiers similaires aux nôtres. J.A.V, fourgon cellulaire et Rositon, Zinedine Zidane, Henry ou Barthez, Tony Parker, Joey, Nino Brown ou Scarface. J'avoue que c'est dur pour tout le monde, débris à Barbès. Trop de gâchis, de génie et de potentiel Barthès. Plus facile de fois que la bac, avoir le bac, mon père me disait si Vincent taf, jusqu'à 10h taf, jusqu'à 2h du mat. Tellement d'espoir et tellement de jeunes au périmètre. Escala, relève la tête comme le dirait Kerry James. Relève la tête là-haut, on ne l'est pas que sur toi. Si tu en penses à l'homme, nos pères se sont battus pour toi. Pour les jeunes du ghetto, fleurs du béton, frères tous béton. Parti, parti, parti. Y'a 10 types sur la place. Sur les 10, y'en a 5, 100% street life. Et 5 qui squattent toujours en classe. 4 qui fument, les 6 autres vont pas tarder. Tous sont intelligents mais parlent comme des attardés. Tous rêvent de cash et sont indécis sur leur avenir. Tous adorent leur cité, y'en a aucun qui rêve de partir. Tous les 10 ont les capacités de devenir grands. Mais dans le hood, les jeunes ne flashent que sur les champs. Mais ça devient si les boulettes et l'haleine alcoolisée. Motivés à aller à l'encontre du non autorisé. Préfère la street life que la parentale autorité. C'est trop niqué si t'es pas gangster, t'es pas OP. Connerie, les envoies, le cash et le bloc, le magnum. T'es pas dans le mauvais, la vraie définition d'un homme. Plusieurs fois perdu en solo dans ma merde, je me suis relevé pour honorer le vécu de mon père. Hein. Scala, lève la tête là-haut, on ne va pas que sur toi. Si tu en penses à l'homme, nos pères se sont battus pour toi. Pour les jeunes du ghetto, fleurs du béton, frères tous béton. Parti, parti, parti. Et quoi, papa? Je travaille, j'écris des textes, des nouvelles chansons. Enfin, les trucs, tu comprendras plus tard. C'est pour les grandes personnes? Pas vraiment. Mais pour beaucoup de jeunes dans la street qui errent et qui se réveillent trop tard. Ouais, c'est pour chez nous, pour pays, pour tout le ghetto de la terre. Quand c'est grand, c'est contagieux. Je sais pas, tu choisiras, en tout cas faudra honorer ton père. Scala, lève la tête là-haut, on ne met pas que sur toi. Si tu en penses à l'homme, nos pères se sont battus.